Bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour les coups de cœur d'Aurélien le lundi 8h-13h30 sur Radio Gamozo. Donc mon coup de cœur cette semaine est un coup de cœur musical. C'est The Final Countdown de Europe. Donc le tube est sorti en 1986. Il a fait un bon carton d'ailleurs, un bon gros carton. Et c'est du rock, hard rock, hein, voilà. Précisément. Donc j'aime beaucoup ce morceau car il est entraînant, on a envie de danser dessus, j'aime beaucoup le rock et le hard rock, donc c'est un style que j'aime bien. Donc voilà, c'est les raisons de mon choix, j'aime beaucoup cette musique, voilà. Je vous le conseille très très fortement, si vous voulez danser à une soirée et tout, passez là, Europe, The Final Countdown. Donc maintenant je vais vous la passer pour que vous vous rendiez compte de la musique, voilà. Allez, à la semaine prochaine.